Thank you.

C'est Jean 32 là. Jean 32 hein. Ouais. Thank you. Oh, c'est pas top. On la refait. 2, 3, 4. I'm a little We'll be right back.

Soleil,